bord du gouffre. Toujours hésite à tes os, on dit t'as les capacités. Qu'est-ce que tu fous là à tes os? Tout simplement, je suis comme les autres. Subis le destin que l'on m'offre. Ils ont nos têtes entre leurs mains. Nous répète, enculé mort. On a fait quoi nous? On s'est osé à espérer. Et au final, on mène une vie à la CAS. Père insignifiant, les mecs comme moi n'aspirent qu'à une chose, le changement. N'écoute pas le diable qui te dit chaud, laisse le langement. Y'a pas trop de coups de main, mais beaucoup de pâtes, on a de l'huile de coude moins. Et tout ça dû au patronat, ils nous écartent les uns des autres. Histoire qu'on se carotte entre nous, on se fait rouler à chaque printemps, ça changera 40 ans de tout. Inutile de dire chez les gros, j'en applique le champ lexical. Voici la parole d'une fourmi qui rêve chanter comme une cigale. Difficile vu que dans ce monde on le même visage dans mes peines. Pessimiste, y'a quand même de l'espoir dans mes peines. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu fais ken? Un joueur franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Rien ne cache son jeu sous sa fringe. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu te fais ken? En jouant franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Ma haine cache son jeu sous sa frange. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes. Plus le temps passe, plus je perds tout le monde un par un. Donc quitte à ne plus avoir d'attache, pourquoi ne pas devenir un parrain? Je me suis toujours démerdé seul en voulant faire croquer les autres. Ils t'appellent histoire d'être bien, dès qu'ils le sont, ils ont plus de réseau. Je suis dégoûté d'être dégoûté, plus que découplé à décupler. Donc là, mes larmes, c'est plus dégoûté. C'est tellement moi que ça me rend gêné. Je pense à ces soirs, riff freestyle où ma voix est comme enchaînée. J'ai du mal à exprimer ne serait-ce que la moindre émotion. Je suis froid, renfermé, mais j'ai plein de valeurs et de notions. Ça y est, vous y êtes parvenus, j'en arrive même à en douter. Limite juste l'ombre de soi-même, c'est le marais qui m'a envoûté. Quand on fait le bilan de nos vies, vous nous dites vraiment pessimiste. Vous voyez le mal de vivre, mais vous faites fermenter le signe. J'en ai tiré des leçons, j'annonce que si mon nom brille, mes proches seront dans sa lumière. Moi je n'aime pas mat et mon nom brille. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu fais ken? Un joueur franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Rien ne cache son jeu sous sa frange. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu fais ken? En jouant franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Rien ne cache son jeu sous sa frange. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes. 30 000 mimes prêtes à armer. Dans chaque coin, chacun possède son armée. La passerelle au PP, tout le monde rêve de sortir. Le petit été, tous entêtés. Dans la même optique, ça roule des sticks, ça fait passer le temps, c'est pratique. Pas un temps que certains s'appliquent à faire rentrer de l'argent grâce aux affaires faites avec les gants. Quand on croise, tout le monde font bordel sur le mouvement en levant. Et tout ça fait proprement dans le dos des agents. Agents, on vient représenter les coins actifs de notre ville. 30 000 sur les nerfs, c'est le maxi, c'est le maxi. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu fais ken? En jouant franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Rien ne cache son jeu sous sa frange. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu fais ken? En jouant franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Rien ne cache son jeu sous sa frange. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu fais ken? En jouant franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Rien ne cache son jeu sous sa frange. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes. Comment tu veux qu'on croit en ce monde quand tu fais ken? En jouant franc jeu, un choix à faire, on croise le monde. Rien ne cache son jeu sous sa frange. On l'a trop dit, c'est plus la peine. C'est son garde dans ton ordi, il fait pas tourner à part si t'aimes.